Willkommen in der Anarchie. Stereo, 1, 2, 3, Stereo Microphone. Willkommen in der Anarchie. 3, 1, 2, 3. Thank you. désaccord. Excusez-moi, j'ai changé de voix. Normalement, tu peux chanter faux et ça chante juste. Mais je n'ai pas bien compris comment ça marche. Moi, ce que je préfère, c'est ça. Ça, tu peux donc changer un petit peu ta voix. Voilà, comme ça. Tu vois, par exemple, voilà. Voilà, là, je deviens une petite part de féminité. Et si je suis trop féminine, je peux devenir beaucoup plus viril, tu vois. Voilà. Ouais, bon, pas trop quand même, parce que après, ça fait trop le sentir. On peut avoir des problèmes si tu es. Tu sais, un adolescent qui. Tu as des problèmes. Bon, j'arrête. J'avais pas lu. Thank you. s'assure. Hein. Tom, come on. Is this anything? Thank you. Thank you. Ça va. Oh.